Tout lui réussissait dans la vie. Physique avantageux, tempérament enjoué, famille fortunée, beau mariage avec une cousine du général de Gaulle, ce trentenaire n'avait au fond qu'un regret. Monsieur son père n'avait pas voulu que ce jeune et impétueux officier de cavalerie fasse une carrière militaire et lui avait enjoint de s'occuper de l'entreprise familiale, la célèbre firme Baignol et Fargeon, des industriels qui ont permis à des dizaines de millions d'écoliers de découvrir les élégances de la plume métallique. Lorsque la guerre est déclarée, en 1939, Roland Fargeon saute naturellement dans son uniforme, mais quelques mois plus tard, malgré quelques exploits, il est fait prisonnier. Il demeure un an dans un stalag et l'influence de sa famille aidant, il revient en France. Mais c'est pour aussitôt s'engager dans un mouvement de résistance, l'organisation civile et militaire. Cette OCM, née dès l'été 40 dans les beaux quartiers de la capitale, regroupe d'abord des grands bourgeois et d'anciens militaires qui nourrissent pour la plupart de franches convictions réactionnaires et même fascistes. Pourtant, ils n'ont pas écouté les sirènes de Vichy, car, à la différence d'un Pétain, ils veulent se battre contre l'occupant. La nature sociale et politique de l'OCM va évoluer au fur et à mesure du recrutement des ouvriers, des instituteurs, des médecins la rejoindront, et aussi un jeune militant socialiste qui s'appelle Guy Mollet. Un panachage qui doit beaucoup à Roland Fargeon, gailluron et bon compagnon, qui est nommé responsable militaire pour la zone A, c'est-à-dire les départements du Nord. Jusqu'au milieu de l'année 1943, l'OCM grandit en nombre et en puissance. Dans la région Nord, elle devient même la principale organisation de résistance, mais son succès est aussi à l'origine de sa perte. Un traître a infiltré le mouvement. Des dizaines de résistants sont arrêtés, et en octobre, c'est au tour de Roland Fargeon de tomber. Ici commencent les questions, car de nombreuses interpellations suivront, décapitant l'OCM. Et celle-là d'abord. Fargeon a-t-il trahi ? Certes, les apparences sont contre lui, mais une autre trahison de grande ampleur n'a-t-elle pas précédé l'arrestation de Fargeon ? Autre interrogation. L'OCM, déjà affaiblie par les rafles de l'été, n'a-t-elle pas été donnée sciemment afin d'intoxiquer les Allemands à propos du lieu du futur débarquement ? Monsieur X répond dans un instant à ces questions. Il m'a promis la semaine passée tout un lot de révélations sur cette affaire qui hante toujours la mémoire des survivants de la résistance et divise les historiens. Un point très important d'abord. Fargeon, arrêté par la Gestapo, même s'il a subi de nombreux et de mauvais traitements, ne sera jamais torturé. Ah oui, alors comme si on n'avait pas besoin de le faire parler au fond. Oui, enfin c'est une hypothèse. On en reparlera d'ailleurs. Mmh. Mais en attendant, voyons les faits. Je vous l'ai dit, Fargeon a commis une terrible imprudence. Lorsqu'ils vont le fouiller, les policiers allemands trouveront sur lui une quittance de téléphone qui porte l'adresse de l'appartement clandestin qu'il occupe à Paris, rue de Clichy. Oui, un appartement qui lui sert de boîte aux lettres. Hein. Même de lieu de ralliement pour des résistants qui passent par Paris. Oui. Donc, les agents de la Gestapo investissent cet appartement. Et ils découvrent une véritable caverne d'Ali Baba, de leur point de vue en tout cas. Quoi exactement alors ? Des armes, des munitions et surtout beaucoup de documents. Et d'abord une note très importante, une feuille sur laquelle Roland a fait la liste de ses prochains rendez-vous. Coupable, enfin, et même incroyable imprudence. Hein. Bon, ça c'est incontestable. Mais ce n'est pas tout. Écoutez bien. Il y a aussi la liste des militants de l'Aisne qui se sont proposés pour abriter un radio, des courriers de renseignement, et même un relevé des boîtes à lettres d'Amiens. Et puis c'est encore pire. La Gestapo trouve aussi une note manuscrite où des noms de résistants figurent en clair. Oui, parce que les autres c'était des pseudos. Mmh. Ouais. Alors, si les policiers de la Gestapo ne torturent pas Fargeon, n'est-ce pas que cette masse de documents leur suffit ? Pour procéder à d'autres arrestations et démanteler l'OCM ? Bon, on peut le penser. Cependant, ce qui est étonnant quand même, c'est que malgré cette prodigieuse moisson, il y a relativement peu d'arrestations. Alors qu'on pouvait s'attendre à de véritables rafles. En effet, oui. Mmh. Mais on peut imaginer aussi qu'apprenant l'arrestation de Fargeon, beaucoup de membres de l'OCM ont pris leur précaution et plonger dans la clandestinité. Ah ben non, non. Et ça commence au sommet de la pyramide. Le colonel Touny, le chef militaire de l'OCM, reste chez lui et imperturbablement il continue à promener son petit chien dans les avenues du 16e arrondissement. Alors, à l'évidence, il y a autre chose. Mais je vous expliquerai. Ouais, toutefois, un peu de patience, si vous voulez bien. Et continuons, car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il y a d'abord cette étrange pérégrination de Fargeon dans différentes prisons du nord de la France. Ça signifie quoi, hein? À chaque étape, et ça va durer plusieurs mois, Fargeon est confronté aux membres de l'OCM qui sont aux mains des Allemands. Avec des gens qui ont souvent été arrêtés, m'avez-vous dit, à cause des imprudences de Fargeon. C'est exact. Oui. Et Fargeon, qui malgré tout reste leur chef, leur tient un langage qui leur paraît incroyable. Parlez, ne mentez pas, ne courez pas au-devant de nouvelles souffrances qui vont vous être infligées si vous refusez de parler. Inutile de nier, car les Allemands savent tout. Oui, mais enfin, ça veut dire qu'ils leur demandent de trahir. C'est d'abord ce qu'ils pensent. Et très nombreux seront ceux qui n'en démordront pas et considéreront à tout jamais Fargeon lui-même comme un traître passé à l'ennemi. Et pour ces gens, il est évident que c'est lui qui les a dénoncés, lui qui leur demande maintenant de parler, comme il l'a fait précédemment. Ouais. C'est vrai que c'est troublant. Sauf s'il dit la vérité. Quand il affirme que les Allemands savent tout. C'est bien ce que je suggère, oui. Mmh. Alors, à cause de tous ces documents qu'ils ont trouvés dans son appartement? Par exemple. Mais je vous l'ai déjà dit, il y a peut-être une autre explication. Mais je vous trouve bien mystérieux aujourd'hui. Oui, mais enfin, si je vous livrais tout de suite la vérité, enfin, ce que je crois être la vérité, vous seriez déçu, n'est-ce pas? Oui. Bon, toutefois, avant d'aller plus loin, je vais vous donner un élément d'information qui plaide en faveur de la sincérité de Fargeon. Au cours de cette tournée des prisons du nord de la France, Fargeon est confronté à deux responsables cantonaux de l'OCM, dont les noms ne figuraient pas dans ces documents saisis par la Gestapo. S'il est réellement le traître que d'autres imaginent, il va les dénoncer. Eh bien non. Non, il feint de ne pas les connaître et ils sont relâchés. D'accord, mais je fais remarquer que c'est un argument à double tranchant, parce que ça signifie aussi que les Allemands ne savent pas tout. Contrairement à ce qu'il affirme aux autres. Vous ergotez. Non, pas tant que ça. Parce qu'un peu plus tard, il se produira un curieux épisode. Roland Fargeon, plusieurs mois après son arrestation, est conduit devant un des meilleurs policiers de la Gestapo, un certain Ernst. Celui-ci lui demande quel est le nom du principal chef de l'OCM. Oui, le colonel Touny. Oui, mais Fargeon dit qu'il n'en sait rien. Alors l'autre sourit. Moi, je sais qui il est, je veux simplement vous tester. Et Ernst pose une fois de plus la question, comment s'appelle-t-il? Mais Fargeon continue à nier. Alors, contrairement à ce que l'on connaît des méthodes de la Gestapo, ce policier n'insiste pas. Mmh. Et pour vous, c'est la preuve que ce Ernst sait vraiment qui est le chef de l'OCM. Et la preuve aussi que Fargeon n'est pas un dénonciateur. Autre chose encore, puisque vous ne semblez pas convaincu pour l'instant. Fin novembre 1943, Roland est alors prisonnier depuis un peu plus d'un mois. Un de ses amis, André Leconinck, qui l'a fait engager lui-même dans l'OCM, obtient alors la possibilité de lui rendre visite à la prison de Saint-Quentin. Ça, c'est quand même étonnant, Et en tout culotté de la part de Leconinck, qui est donc un résistant, enfin, peu importe. D'autant que le gardien, un brave territorial, laisse les deux hommes parler tranquillement. Ouais, ça aussi, c'est étonnant. Enfin, que se disent-ils, C'est surtout Fargeon qui parle. Ce contact avec son ami, c'est une occasion inespérée de faire passer un message aux dirigeants de l'OCM. La plupart ont été repérés par la Gestapo. Et il donne des noms, à commencer par celui du numéro 1, le colonel Touny. De Coninck note consciencieusement ces noms sur une feuille de papier à cigarette qu'il cache dans sa chaussure, tandis que Fargeon ajoute « tous doivent se cacher ». Alors, vous pensez, une fois de plus, que ce n'est pas l'attitude d'un traître? Ça me semble évident, non? Pardonnez-moi, mais moi je vous trouve naïf. Enfin, ne peut-on imaginer que la Gestapo a favorisé cette rencontre? Et dans quel but? Semer la panique au sein de l'OCM? Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Parce que si la police allemande a vraiment identifié ses résistants, le meilleur moyen de semer la panique, comme vous dites, me semble d'opérer une rafle, non? Décidément, Cette affaire est bien compliquée. Parce que vous ne possédez pas encore toutes les clés. Mais vous conviendrez que cela plaide en faveur de Roland Fargeon. Oui, peut-être. Bon, vous n'avez toujours pas l'air d'être convaincu. Alors, je voudrais revenir une dernière fois sur une hypothèse que j'ai évoquée à la fin de notre entretien de la semaine passée. Celle de la trahison sur ordre, afin que les résistants capturés et torturés intoxiquent, malgré eux, les Allemands au sujet du lieu et de la date du débarquement. Oui. Vous y croyez-vous? Je sais simplement que les gens de l'OCM ont réellement cru à la mi-43 que le débarquement était imminent. L'état-major du colonel Touny a même ordonné aux résistants de rejoindre les postes de combat qui leur avaient été assignés. Donc ils ont disparu dans la nature. Et comme le débarquement ne venait toujours pas, ils ont regagné domicile et travail. Mais la brusque disparition de tant d'hommes a étonné. Et quand ils sont reparus, la Gestapo s'est intéressée à eux. Et on en a arrêté un certain nombre. C'est ainsi qu'ont commencé les premiers malheurs de l'OCM. Peut-être, mais Fargeon dans tout ça... Ben, il était le responsable militaire de la zone nord, donc il a très bien pu jouer un rôle dans cette affaire. Ici, un document de première importance. Je l'ai trouvé dans l'ouvrage de Gilles Perrault, La Longue Traque. Perrault qui a été le seul à briser le silence et à enquêter minutieusement sur cette affaire Fargeon. Au cours de son enquête, il a rencontré le docteur Mans, qui était le responsable de l'OCM pour le département de la Somme. Voici ce que ce médecin, arrêté et déporté après l'arrestation de Fargeon, déclare à propos de ce dernier. Du fond de mon cœur, je ne lui en veux pas. C'est vous dire que je ne le considère pas comme un traître. À mon sens, il nous a livré sur ordre. Je n'en ai pas la preuve, mais c'est ma conviction intime, née de longues réflexions dans ma cellule et au camp. Tout cela rentrait trop bien dans le cadre de l'intoxication alliée à propos du débarquement. Il s'agissait de faire croire aux Allemands que le débarquement aurait lieu dans les départements côtiers du Nord et non en Normandie. Je l'ai dit à ma femme dès mon retour de déportation en mai 1945, et c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas rendu aux convocations où l'on me demandait de témoigner contre Fargeon. Et Gilles Perrault, qui a aussi écrit un livre sur la guerre secrète qui a précédé le jour J, précise « L'état-major allié savait que le débarquement avait toute chance d'échouer si les Allemands connaissaient à l'avance la date et le lieu choisi. Les spécialistes posaient en postulat l'impossibilité d'un secret total. La seule solution consistait à tromper assez souvent l'adversaire pour qu'il n'attribuât plus aucune valeur aux indices véridiques recueillis par lui, notamment par le canal des organisations clandestines. Ainsi, deux réseaux au moins furent-ils détruits au cours de l'été 1943, dans des conditions telles qu'on pouvait attribuer leur écroulement à une décision délibérée des chefs londoniens. Les résistants capturés avouèrent que le débarquement était prévu pour le début de l'automne 1943. Pour en finir avec cette hypothèse qui a troublé plus d'un survivant de l'OCM, j'ajoute qu'un autre réseau a été cyniquement sacrifié par Londres pour intoxiquer Berlin. Oui, c'est le réseau Prosper. C'est exact, oui, un réseau du SOE qui dépendait donc étroitement des services britanniques. Mais je crois me rappeler que nous en avons déjà parlé. Je me souviens, en effet. Hein. Et on a même reçu, hein, vous et moi, du courrier de résistants du réseau Prosper qui ont confirmé cette thèse. Tout à fait, c'est vrai. Alors, revenons à Fargeon et à l'OCM. À partir du mois de février 1944, les arrestations se multiplient. Des dizaines et des dizaines. Et la plupart des dirigeants tombent. Ils n'ont donc pas écouté les avertissements de Roland Fargeon transmis par cet ami qui a réussi à lui rendre visite dans sa prison. Hein. Mais je crois savoir pourquoi. En tout cas, c'est vrai. La plupart des résistants arrêtés ont été rapidement persuadés que c'est Fargeon qui les avait donnés. D'autant que le policier allemand qui a démantelé le réseau, le docteur Schott, un homme particulièrement cynique et retors, a tout fait pour le compromettre aux yeux de ses compagnons de détention. Mais attendez, dans quel but ne lui suffisait-il pas d'avoir réussi à détruire son mouvement de résistance ? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une question épineuse et même troublante. Et je ne peux que risquer une hypothèse. Ce Schott voulait peut-être se mettre en avant en prétendant que grâce à ses méthodes de super policier, il avait réussi à faire parler un dur à cuire comme Fargeon sans même avoir eu besoin de le torturer. Une explication à usage interne ou externe, je veux dire. Avançait-il cela pour se faire bien voir de ses supérieurs ? Voulait-il ainsi obliger des camarades de Fargeon à parler eux aussi ? Bon, écoutez, franchement, j'en sais rien. Alors passons à un autre grand mystère de ce dossier. Un mystère qui, une fois résolu, explique presque tout. Le fait que Fargeon n'ait pas été sérieusement cuisiné, l'étrange attitude de ce policier Ernst, qui s'est gardé de trop questionner Fargeon. Oui, comme si ce dernier n'avait rien à lui apprendre. Hein. Ah, et puis surtout la passivité relative de la direction de l'OCM, qui, malgré les avertissements de Fargeon, n'a pas envisagé de disparaître de la circulation. Alors, ben, je vous écoute. Eh bien, pour comprendre, il faut revenir à un tout petit peu en arrière. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est une affaire extraordinaire. S'il existait au sein de l'OCM une zone A, il existait aussi une zone B. Oui, le Grand Sud-Ouest, hein, m'avez-vous dit. C'est ça. Ouais. Et l'alter ego de Fargeon s'appelait André Grand-Clément. Ce fils d'amiral, marin lui-même, ressemble d'ailleurs beaucoup à son homologue de la zone A. Même fougue, même charisme, même goût de la vie, enfin j'allais dire de la bonne vie. Et comment celui-là est-il entré dans la résistance ? Son père connaissait le colonel Touny, et celui-ci a été immédiatement séduit par le jeune homme à qui il a confié non seulement l'énorme charge d'un réseau qui va couvrir les régions de la Loire jusqu'aux Pyrénées, mais aussi beaucoup d'argent. Et l'argent de Londres. Naturellement. Ouais. Et Grand Clément va en faire bon usage. Sous sa couverture de courtier en assurance, il recrute à tout va. Et grâce aux excellents contacts qu'il entretient avec les agents du SOE britannique, son organisation bénéficie de considérables parachutages, des armes qui sont prudemment stockées dans des caches en attendant le jour J. Toujours la peur que d'aucuns ne s'en servent prématurément. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, Grand Clément peut revendiquer la constitution d'une armée secrète forte de 40 000 hommes. C'est vrai, ça ? Ça ne fait aucun doute. Mais une telle progression n'est pas sans risque. Hein. D'abord parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir en découdre sans attendre. Et puis, je vous l'ai déjà dit, ça, plus un réseau grandit et plus il est vulnérable. Enfin, il y a Grand Clément lui-même. Que voulez-vous dire, là ? Le chef de la zone B a les chevilles qui enflent, si vous me passez l'expression. C'était autrement dit, le succès lui monte à la tête. Oui, c'est certain, et ça peut l'amener à commettre quelques imprudences ou à devenir moins lucide. Or, justement, il va avoir besoin de cette qualité. Un parachutage raté, en effet, mit la Gestapo sur la piste du réseau en juillet 43. Des dizaines de résistants sont arrêtés. Et bientôt, les Allemands obtiennent des renseignements très précis sur Grand Clément et même des photos. Alors, se sentant traqué, ce chef de la zone B se réfugie à Paris. Mais en septembre, reconnu par un agent de la Gestapo, il est arrêté à son tour. Ouais, fin de la partie. Ah non, tout ne fait que commencer au contraire, car 5 jours après son arrestation et son transfert à Bordeaux, Grand Clément reparaît au grand jour. Il a été libéré. Oui, aussi extravagant que cela paraisse. Et le résistant s'empresse de reprendre contact avec les hommes de son réseau. Ah, mais il lui faut expliquer cette étrange libération. Bien sûr. Et Grand Clément, très sûr de lui, affirme qu'il a passé un pacte avec la Gestapo. Un pacte avec l'ennemi. En effet. Mais déclare-t-il, je garde le contrôle de ce double jeu. Oui, la nature de ce pacte. Un instant. Lorsqu'il fait cette déclaration au premier résistant qu'il rencontre, l'un d'eux, un architecte qui est un agent du SOE anglais, pense aussitôt à l'abattre. Et il regretta toute sa vie de ne pas avoir tiré. Oui, parce que pour lui, il est évident que Grand Clément a trahi. Et il n'est pas le seul à le croire. Un envoyé spécial de l'OCM, chargé par le colonel Touny de réparer les dégâts au sein du réseau, a exactement la même réaction. Et il demande à un homme de l'armée secrète de liquider Grand Clément. Mais la manœuvre échoue. Alors, ce pacte. J'y viens. À Bordeaux, du côté allemand, il y a un flic hors pair, Friedrich Dawes. Tout le contraire de la brute gestapiste. Un type très malin. Alors, voici ce qu'il propose à Grand Clément. Si vous nous livrez les armes que vous possédez, je m'engage à libérer les dizaines de résistants qui ont déjà été appréhendés. Les hommes contre les armes. Et d'ose d'ajouter qu'il dispose d'une liste supplémentaire de 150 résistants qu'il peut arrêter à tout moment. Et parmi eux, il y a en particulier les deux adjoints de Grand Clément. Et ce dernier accepte ? Pas tout de suite. Enfin, il finit par dire oui. Pour sauver ses hommes ? Pas seulement. En fait, derrière le propos de Dose, il y a aussi une dimension politique. Ah, ça, c'est plus important, alors. Hein? Oui. L'Allemand esquisse la possibilité d'une sorte d'alliance. Car il n'ignore pas que Grand Clément est un anticommuniste convaincu, militant d'Action française, et d'abord séduit par Vichy avant de retourner sa veste sous l'influence de son amiral de pair. Alors Dose, laissant entendre que le Troisième Reich a déjà perdu la guerre, affirme que demain, l'ennemi commun sera le communisme. Ouais, par conséquent, il faut préparer l'avenir. Et conclure des accords entre gens raisonnables. Et c'est ce raisonnement que Grand Clément accepte. Et vous allez le voir, ça va aller très très loin. Mais ce pacte-là a-t-il un début de commencement d'exécution ? Oui, je vous passe les détails, mais Grand Clément et ses deux adjoints, qui approuvent les desseins de leur chef, vont livrer les arsenaux clandestins de l'OCM. Non sans rencontrer parfois de vives oppositions, des gens qui en avaient la garde. Et parfois ça s'est très mal passé. Car pour ces résistants qui ne se laissent pas convaincre, il est évident que le chef de la zone B est tenu en laisse par la Gestapo, même si la laisse est longue. Et Dose, lui, tient sa promesse ? Ben, tout à fait. De nombreux détenus sont libérés, mais le plus étonnant est à venir. Un historien britannique, le professeur Foote, auteur d'un ouvrage sur le SOE britannique, a eu accès aux archives de cet organisme. Et voici ce qu'il écrit à propos du marché passé entre Dawes et Grand Clément. Dawes fit appel au sens de l'honneur que pouvait avoir Grand Clément, et comme officier, et comme gentleman, et parvint sans peine à le convaincre que les intérêts véritables de la France étaient étroitement liés à ceux de l'Allemagne. L'une et l'autre étaient menacées de la même façon par l'hydre communiste, et avec elle c'était tout l'héritage de la culture européenne qui risquait d'être détruit si le monstre n'était pas écrasé. Grand Clément n'allait-il pas comprendre qu'il devait aider le Reich, et que s'il cessait de le harceler avec ses petits groupes de résistance, la bataille vitale qui se déroulait sur le front de l'Est pourrait être menée plus aisément jusqu'à son terme victorieux. Après tout, on ne lui demandait que d'indiquer les emplacements de stockage des armes du réseau, après quoi, bien entendu, ses amis arrêtés seraient libérés. Grand Clément accepta très vite ces propositions et servit de guide aux Allemands pour une tournée de toutes les cages secrètes dans lesquelles était entreposé le matériel. Ce qui est surprenant, c'est que malgré ces preuves apparentes de trahison, Grand Clément continue à prétendre qu'il est le représentant du général de Gaulle pour la zone B. Et surtout le colonel Tooney lui garde sa confiance, alors même que Londres va envoyer un homme chargé de le tuer et de mettre de l'ordre dans la maison. Et comment expliquez-vous tout ça, là ? Bah, c'est que Dawes, avec l'accord des plus hautes autorités nazies, tente de réaliser un plan encore beaucoup plus ambitieux. Quoi ? La signature d'un accord avec la France libre. Une trêve. Bah, vous plaisantez, là. Absolument pas. Avec l'approbation des dirigeants de l'OCM et sur ordre de Tooney lui-même, deux émissaires français, après avoir rencontré Dawes et Grand Clément à Bordeaux, prennent la route d'Alger. Je peux même vous dire qu'il passe la frontière espagnole dans une voiture de la Gestapo. C'est extravagant, ça. Et qui sont ces deux émissaires, là ? Tounière, un responsable militaire de la zone B qui a dû plonger dans la clandestinité, et une figure du protestantisme français, le professeur Joubert. Ouais. Comment sont-ils accueillis, Alger ? Mal, très mal. Vous imaginez bien que le général de Gaulle ne veut rien entendre. Et ces deux hommes vont même être placés en résidence surveillée dans le Sahara. Ouais, donc échec du plan Dawes. Échec de la mission algéroise, certainement. Mais Dawes a au moins réussi dans un domaine. Par l'intermédiaire de Grand Clément, il a pu pénétrer la résistance et semer le germe de la division et le poison du pourrissement dans l'OCM de la zone B. Il pourra même s'emparer du nouveau délégué militaire envoyé par Londres et chargé aussi d'éliminer Grand Clément. Mais cet homme courageux avalera une pilule de cyanure dans sa cellule. Oui, l'homme de Londres. Ouais. Et Grand Clément, alors ? Oui, il continue de faire semblant. Et pourtant, la radio de Londres ne cesse de diffuser des avertissements qui le dénoncent comme traître. Mmh. Et que deviendra-t-il, alors ? Il sera assassiné en juillet 1944 par ce même agent britannique qui l'avait épargné quelques mois plus tôt. En tout cas, cette pitoyable affaire Grand Clément va avoir des conséquences incalculables. Il est à peu près certain que le chef de la zone B a dû révéler à son partenaire Dawes des informations très importantes sur l'OCM et son organigramme. Alors par conséquent, ça c'est important, Fargeon arrêté après lui avait beaucoup moins d'importance. Oui, c'est pour cela que les Allemands ont attendu plusieurs mois avant de l'interroger réellement. Autre retombée de l'affaire Grand Clément, la passivité de Tooney. Le colonel se s'est repéré puisque Fargeon l'a mis en garde et pourtant il ne bouge pas. Il n'essaie même pas de gagner sa planque de repli située au cœur du musée du Louvre. Alors, oui, bah, il attend le résultat de la mission qu'il a envoyée à Alger. Exactement. Et il sait que pendant toute la durée de cette mission, il sera en sécurité. Alors, ça veut dire qu'il n'est pas réellement tenu au courant de ce qui se passe à Alger, hein ? Bah, ça, on ne peut que le supposer. Mais c'est vrai que cette apparente inertie ressemble assez peu à l'homme d'action qu'était le colonel Tooney. Le fait aussi qu'il ait patronné cet envoi d'émissaires à Alger, hein, ce patriote aurait-il pu cautionner un accord passé avec la Gestapo ? Ben là, j'avoue que je n'ai pas de réponse à ces questions. Et comme je ne veux pas salir la mémoire du colonel, dont le corps repose au Mont-Valérien, je n'en dirai pas plus. En tout cas, en février 1944, Tooney est arrêté. Suivent la plupart des responsables de l'OCM. Et c'est là qu'il commence à se dire que c'est Fargeon qui a trahi. D'autant, je vous le rappelle, que le machiavélique Dr. Schott fait courir lui-même ce bruit. Et beaucoup de ces grands résistants, prétendument dénoncés par Fargeon, seront condamnés à mort ou déportés. Alors, venons-en à un autre curieux épisode qui plaide, paradoxalement, pour son innocence. Fargeon, il le reconnaîtra lui-même, a connu une défaillance. Et qu'est-ce que ça signifie, une défaillance ? Au cours d'un interrogatoire du Dr. Schott, il lâche des noms. Mais des noms du responsable de l'OCM. Hein. Oui, mais il sait que Schott a déjà identifié ses résistants. Ah oui, alors il pense que cet aveu sera sans conséquence ? Oui. Et notez-le bien un peu plus tard, lorsque Fargeon se trouvera en présence de l'un d'eux qui va partager sa cellule, il lui dira franchement, oui, j'ai donné ton nom. Et c'est en compagnie de cet homme qu'il va s'évader. Une évasion rocambolesque et courageuse, car cet homme blessé au cours de sa fuite lui devra la vie. Ouais, tout cela est assez déconcertant. Hein. Et car cette étonnante franchise ne correspond pas à l'image de traître dont on l'a affublé. Bon, alors l'évasion, quand c'est... En juin 44, très peu de jours après ce débarquement qu'il attendait depuis si longtemps et dont le secret a peut-être été à l'origine de ses malheurs. Il gagne aussitôt Paris, caché dans une caisse chargée sur un camion de son entreprise. Il retrouve les siens ? Non, sa femme a été arrêtée dès que l'évasion a été connue. Alors il ne pense qu'à une chose, reprendre le combat. Mais dans un maquis et les armes à la main. Et c'est ainsi qu'il se retrouve, grâce à un ami, en Eure-et-Loire, sous les ordres du futur écrivain Maurice Clavel. Et là, il donne libre cours à son tempérament naturel. Le courage. L'héroïsme, oui. Mais contrairement à une légende qui a couru dans les milieux de la résistance, il ne cherche pas à se faire tuer. Oui, afin de payer son éventuelle trahison. C'est en effet ce qu'on a prétendu. Non, il ne prend pas plus de risques que ses compagnons. Mais il faut souligner un curieux incident. Alors que la ville de Dreux vient d'être libérée et qu'on fête joyeusement l'événement, un officier est tué dans la rue d'une rafale de mitraillette. Un homme qui venait d'être désigné comme commandant de la place et succédait ainsi à Fargeon qui, lui, voulait continuer jusqu'à Paris. Ah ouais. Et vous pensez que cet officier aurait pu être pris pour Fargeon ? La nuit aidant, c'est en effet possible. Même taille, même képi, ce malheureux a sans doute été confondu avec Fargeon. C'est d'autant plus probable que Londres avait envoyé un télégramme à l'un des chefs du maquis lui ordonnant de tuer Fargeon. Mais cet officier qui était un ami de Fargeon s'était refusé à exécuter cet homme. Alors, il y avait donc une sorte de contrat sur la tête de Fargeon ? En effet, oui. Ensuite, après la libération de Paris, il s'engagera dans une unité régulière, un régiment de fusiliers marins, quitte à perdre un ou deux galons. Et là encore, il va être victime de ce qui ressemble bien à une tentative d'assassinat. Vous racontez, hein ? En mars 1945, alors que son unité se trouvait alors à Menton, à la frontière italienne, un front parfaitement calme, dans une ruelle, on lui a lancé une grenade. Résultat ? Une blessure à l'épaule, mais pas trop grave. En tout cas, ça lui a valu d'être hospitalisé. Mais Roland Fargeon, là, sait-il alors, devine-t-il alors que certains sont résolus à tenter à sa vie ? Je le pense. En tout cas, il n'ignore pas qu'on le soupçonne d'avoir trahi et que tôt ou tard, on lui demandera des comptes. Alors, il prend les devants et demande qu'un jury d'honneur soit constitué. Un jury qui lui permettrait d'être innocenté. Oui, d'autant que la pression augmente. C'est surtout la presse communiste qui s'acharne contre lui. Et au fond, ça n'a rien d'étonnant. À cause de ses origines sociales, à cause de la fortune, de la famille. Et aussi, ce n'est pas négligeable à un moment où la bataille politique fait rage. À cause de ses liens de famille avec le général de Gaulle. De Gaulle, qu'il faut le noter, le rencontrera au début 45 au cours d'une réunion familiale et le félicitera pour sa belle conduite. Ah, une sorte de brevet d'innocence. Mais de courage. Et pourtant, ses anciens compagnons, Bloch-Mascart en particulier, vont lui refuser ce jury d'honneur qu'il réclamait et aurait pu lui permettre de s'expliquer. À partir de là, il devine qu'on ne le laissera plus tranquille. Ce qui va être le cas, hein. Et au cours de l'été 1945, alors qu'il se repose en famille à la montagne et soigne sa blessure, deux policiers se présentent chez lui. Un juge d'instruction de Lille leur a délivré une commission rogatoire. Fargeon doit être entendu par ce magistrat. Et sans doute sera-t-il inculpé. Accepte-t-il de comparaître ? Ses amis, sa famille le pensent. Mais en raison de sa qualité d'officier et sans doute de ses états de service, on lui donne 24 heures de liberté, et c'est alors qu'il disparaît. 48 heures plus tard, on retrouve son képi et sa serviette qui contient plusieurs lettres d'adieu sur un pont qui enjambe la Seine, et peu après son corps est repêché. Est-ce que le suicide est avéré ? Oui et non. Bien sûr, ses frères, à qui on demande de le reconnaître, affirment qu'il s'agit bien de Roland, mais Plus tard, des témoins très crédibles affirmeront l'avoir rencontré après son pseudo-suicide. Mais et dans ce cas-là, le cadavre... Bon, celui d'un vagabond, par exemple. Fargeon aurait maquillé son suicide. Et on prétendra qu'il s'est enfui en Amérique du Sud, où il a refait sa vie. Et votre avis, hein? Moi, j'ai plutôt tendance à croire au suicide. Mais les témoignages, alors, de ceux qui l'ont rencontré? Bon, ça, on peut se tromper en toute bonne foi. Quoi qu'il en soit, une exhumation de sa dépouille en 1975 établira sans aucun doute possible que c'était celle de Fargeon. Mais on n'empêchera jamais quelques personnes de mettre en doute cette vérité. Surtout certains résistants qui restent persuadés qu'ils ont été trahis et qui ont juré de se venger. Un dernier mot, si vous permettez. Je m'en prie. Hein. C'est certain. Roland a connu une défaillance et a donné quelques noms puisqu'il l'a avoué lui-même. Mais il n'a pas parlé tout de suite. Et il ne faut pas oublier. C'était une consigne donnée par Passy à tous ses agents. On leur demandait, à ces résistants arrêtés, de tenir 48 heures. Après ce délai, on estimait que leurs camarades qui pouvaient éventuellement tomber à cause d'un vœu estorqué sous la torture devaient avoir pris leurs précautions. Et s'être cachés. Oui. Or, Roland Fargeon a tenu beaucoup plus longtemps. Toutefois, il n'a pas été torturé. Certes, mais il a vécu des journées et des nuits entières, les mains menottées dans le dos, et c'est une autre forme de torture, je vous l'assure. Pour en terminer, je reviens à nouveau vers Gilles Perrault et son livre « La Grande Traque ». Perrault, qui, entre parenthèses, a assisté à l'exhumation du corps de Roland Fargeon et ne croit donc plus à son faux suicide. Mais, auparavant, il a un soir dîné avec Passy, je le cite. « Je lui annonçais mon intérêt pour Roland Fargeon. Cet homme, si gardé d'une maîtrise de soi si absolue, je lui vis tout à coup un visage vulnérable. Il me regarda très pâle et dit « Il est vivant, n'est-ce pas ?» Un silence, puis il murmura « Après la libération, le général m'a demandé de faire quelque chose pour deux hommes. Il ne voulait pas de poursuite judiciaire. Roland était l'un d'eux. » Enfin, je vous recommande toujours sur cette période la lecture du dernier ouvrage de Rémy Koffer, « Le réseau bucéphale » aux éditions du Seuil, une fiction plus vraie que la réalité. »